Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, premier épisode d'une série consacrée à la fin de l'Empire colonial français et au mouvement de décolonisation. Chapitre 1, l'Orient et la fin de l'Indochine française. Le 21 juillet 1954 à Genève, quelques semaines à peine après le fiasco de la bataille de Dien Bien Phu, la France signe un armistice et un cessez-le-feu avec la République démocratique du Vietnam. Cet accord intervient après une décennie de crise politique profonde entre Paris et les territoires de son empire colonial en Asie. 10 ans sous le signe du désir d'émancipation et des rêves d'indépendance des peuples du Vietnam, du Laos, du Cambodge, entre autres. Un espace-temps également marqué par la guérilla des indépendantistes vietnamiens que les autorités françaises vont tenter de réprimer. Dans ces guerres lointaines, la France est d'abord embourbée, puis elle s'est entêtée, avant finalement de se rendre compte qu'elle s'y était perdue et qu'il devenait impérieux de passer un autre paradigme, un temps où les empires modernes ne pouvaient survivre car ils n'allaient plus dans le sens de l'histoire. Et ce n'est donc pas en vainqueur que le président du Conseil, Pierre Ménès France, signe en juillet 1954 les accords de Genève, des accords qui mettent un terme en Asie à 70 ans de présence française devenue la France persona non grata. Notre invité aujourd'hui, l'historien Pascal Blanchard, spécialiste de l'histoire de l'Empire colonial français. Il est avec ses confrères Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, l'auteur d'un livre de synthèse sur le sujet, livre intitulé « Décolonisation française, la chute d'un empire », paru aux éditions La Martinière en janvier dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire d'Adrien Carra, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dans un univers sanglant, dur et couvert de ruines, nous avons à bâtir la paix en commun avec nos alliés. Alors qu'il y a 15 mois, la totalité du sol métropolitain français était encore aux mains de l'ennemi, voici que la France, grâce à son redressement extérieur et intérieur, assume de nouveau les plus hautes responsabilités internationales. Il faut qu'elle soit en mesure d'exercer dans le vieil et noble Orient ses amicales influences. Il faut qu'elle recouvre la possibilité de conduire l'Indochine dans la voie de la liberté et de la prospérité. Le 22 septembre 1945, lors d'une allocution à la radio, le général de Gaulle, président du Conseil du gouvernement provisoire, prononce l'un de ses premiers discours de politique étrangère. Après un rapide état des lieux de la situation en Europe, c'est vers l'extrême-orient que se tourne son regard. Là-bas, à plus de 9000 km des frontières de l'Hexagone, la France possède le territoire le plus peuplé et le plus riche de son empire colonial, l'Indochine. Fondée un demi-siècle plus tôt par des expéditions militaires, des missions commerciales ou religieuses, l'Indochine française vient tout juste de retrouver son autonomie, après avoir été occupée par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. D'une superficie équivalente à celle de la France, le territoire de l'Indochine s'étend sur une large bande de terre en forme de S, sur plus de 1000 km de long. Au nord, une frontière avec la Chine, à l'ouest, une autre avec la Birmanie, avec le royaume du Siam qui deviendra par la suite la Thaïlande. Enfin, à l'est et au sud, tout son pourtour est bordé par les eaux poissonneuses de la mer de Chine. Première particularité, à l'inverse d'autres territoires de l'Empire colonial, comme l'Algérie par exemple, l'Indochine n'est pas une colonie de peuplement. Non, la France y exploite les ressources naturelles et s'en sert de comptoir commercial. Ainsi, on recense en 1945 tout juste 30 000 Français pour une population totale de plus de 20 millions d'indigènes. Seconde particularité, l'Indochine est divisée en plusieurs régions. Celles-ci sont administrées soit en totalité par le pouvoir colonial, c'est le cas de la Cochinchine au sud, soit gérées comme des protectorats et conservent leurs propres institutions, c'est le cas des régions du Tonkin, de l'Annam, du Laos et du Cambodge. Dans un cas comme dans l'autre, la France joue le rôle de puissance protectrice. Protectrice de quoi, d'ailleurs? Mais c'est bien dans ce cadre qu'il faut interpréter le discours du général de Gaulle. Et contrairement aux apparences, son emploi du mot « liberté » n'exprime pas un retrait français pour laisser l'Indochine aux Indochinois, non. Ce mot « liberté » concerne la France afin de lui permettre de maintenir, quelles qu'en soient les circonstances, l'allégeance de la Fédération Indochinoise. En cette fin d'été 1945, il faut aux avions Constellation d'Air France un peu plus de 40 heures et pas moins de 5 escales pour relier l'aéroport d'Orly à l'aérodrome militaire de Saïgon, capitale de l'Indochine française. C'est ici, au bout d'une piste d'atterrissage mal goudronnée, que dans une chaleur et une humidité étouffante débarquent les cadres de l'administration coloniale. Parmi ces hommes, certains étaient déjà en poste ici avant la guerre, d'autres y font leur premier voyage. Mais qu'ils aient connu ou non l'Indochine par le passé, tous sont frappés par le décalage qui règne désormais ici entre la vision politique à Paris et la nouvelle réalité du terrain. En effet, depuis la capitulation et le retrait des troupes japonaises, quelques semaines plus tôt, les événements se sont précipités et prennent une tournure inattendue. Dans le Nord, la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, en abrégé le Viet Minh, mouvement politique nationaliste d'obédience communiste, a profité de la désorganisation qui régnait pour lancer une série d'offensives et mettre la main sur la ville de Hanoï et installer sur la région du Tonkin une autorité incontestable. C'est d'ailleurs là, à Hanoï, sur une estrade improvisée, que le 2 septembre, soit 3 semaines tout juste avant le discours du général de Gaulle, Ho Chi Minh, chef du Viet Minh, prend la parole. Nous déclarons, au nom du peuple du Vietnam tout entier, nous affranchir complètement de tout rapport colonial avec la France impérialiste, lance Ho Chi Minh. Nous proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant. Indépendance, voilà le mot tant redouté par les Français, pour la première fois prononcé par ce petit homme d'1m65, à la silhouette frêle, au crâne dégarni et à la barbe longue et mince. À 55 ans, Ho Chi Minh est un personnage quasi inconnu en Occident. Formé en URSS, ayant aussi étudié en France, il a voyagé aux États-Unis et il a été confronté à la réalité du monde, ses inégalités, son racisme. Il a vu, lu, étudié, pour finalement développer une idéologie anticolonialiste. Et ce jour-là, en invoquant les droits de l'homme que la France aurait trahi et se référant à la déclaration d'indépendance américaine, Ho Chi Minh proclame officiellement la naissance de la République démocratique du Vietnam. Un nouveau pays qui engloberait plus de la moitié du territoire de l'Indochine avec 3 régions sur 5, le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine. Le discours d'Ho Chi Minh crée un profond malaise dans les cercles du pouvoir gaulliste. La France considérait jusqu'ici pouvoir reprendre pied en Indochine sans avoir à le justifier à qui que ce soit. Eh bien, elle se rend compte qu'elle fait face à un nouvel adversaire. Dans les semaines qui suivent, alors que la situation reste très confuse partout sur le territoire, se produit un événement dramatique. Dans la nuit du 25 au 26 septembre, à la cité héros de Saïgon, lieu de résidence de la plupart des fonctionnaires de l'administration coloniale, des hommes armés pénètrent dans les maisons et massacrent plus de 300 personnes, en très grande majorité des Français. Dès le lendemain matin, le Viet Minh, le mouvement dirigé par Ho Chi Minh, est pointé du doigt, même s'il est alors impossible de prouver son implication. En réaction, Paris mobilise une partie de sa flotte de guerre et envoie sur place la quasi-totalité des troupes du corps expéditionnaire. À sa tête, le général Leclerc. Son ordre de mission, rétablir sous l'autorité du haut-commissaire à l'Indochine l'amiral Thierry d'Argentlieu, la souveraineté française sur place et quoi qu'il en coûte. Depuis le quartier général de l'administration coloniale à Saïgon, Argentlieu s'adresse alors à tous les Indochinois. Le Vietnam, isolé avec son indépendance au milieu du monde moderne, serait aussitôt la proie et la victime de formidables appétits dont il a mal idée. Nous sommes certains que les populations indochinoises, anamites comprises, ont besoin de l'appui cordial d'une grande puissance. La France, malgré tant de malentendus artificiellement créés trop souvent, la France est celle qui vient vers ses populations avec la compréhension la plus éclairée, l'expérience la mieux assise des problèmes sociaux, administratifs et politiques, et les biens avec le désintéressement le plus sincère parce qu'il est conforme à son génie. À partir du mois d'octobre 1945, les 15 000 hommes du corps expéditionnaire français se déploient et occupent de nouveau tout le territoire indochinois. L'opposition avec les communistes du Viet Minh donne lieu à des échauffourées dans les campagnes. Ces derniers, sous-armés et sous-entraînés, se réfugient dans le maquis et profitent de l'aide que leur apporte la population. Si le général de Gaulle peut engager un tel effort de guerre, c'est qu'il bénéficie du très large soutien de la population française. À cette époque, en effet, 63% des personnes interrogées déclarent que l'Indochine est et restera française. Depuis janvier 1946 et partout en Indochine, la situation semble se stabiliser à mesure que le Viet Minh et les autres mouvements nationalistes perdent du terrain. Début mars, le commissaire de la région du Tonkin, Jean Saint-Denis et Ho Chi Minh signent une convention franco-vietnamienne. La France reconnaît pour la première fois l'existence d'un État libre du Vietnam, mais uniquement au sein de l'Union française. Dans les jours qui suivent, les blindés du général Leclerc entrent dans Hanoï et ses 1200 hommes rencontrent une foule en liesse. Les Français montent un PC opérationnel, transforment l'aérodrome en piste militaire et s'installent. Comme quoi, ils se sentent encore chez eux. S'ensuivent des rencontres avec le leader vietnamien pour organiser des élections libres, mais également en coulisses pour renforcer la légitimité de la présence militaire française. Dès lors, un dangereux rapport de force s'engage. Et c'est lui qui sera à l'origine de tensions, crispations et d'une perte de confiance réciproque. Samedi 6 juillet 1946, parc du château de Fontainebleau. Le chef du Viet Minh, Ho Chi Minh, a fait le déplacement pour participer à une conférence qui doit statuer sur l'avenir du Vietnam. Mais avant même l'ouverture des discussions, les choses se présentent déjà mal. Sur le trajet, Ho Chi Minh a appris que l'amiral d'Argentlieu venait de proclamer la région de Cochinchine république autonome sous administration française. Pour le Viet Minh, c'est un camouflet. Cette décision ampute le nouveau Vietnam d'un tiers de son territoire. Dès lors, pendant près de deux mois, alors que dans l'Annam et le Tonkin, les accrochages entre soldats du corps expéditionnaire français et maquisards du Viet Minh se multiplient, la conférence de Fontainebleau se transforme en simulacre. Échaudée par l'attitude des Français, la délégation vietnamienne refuse tout compromis. En face, le nouveau président du conseil, Georges Bidault, qui a remplacé le général de Gaulle, campe sur ses positions. Et ce qui devait arriver, arrive. Le 14 septembre, Ho Chi Minh met fin au pourparlers et quitte la table des négociations. Français et Vietnamiens s'accordent toutefois sur un modus vivendi, sorte d'accord de façade signé par les deux parties pour leur permettre de cohabiter. À sa sortie de la conférence, fin diplomate et habile tacticien, Ho Chi Minh dissimule sa colère et profite de l'occasion pour piéger les Français. Face aux journalistes, il affirme que la France et le Vietnam vont travailler main dans la main avec une seule devise. En mon nom personnel et au nom de mon peuple vietnamien, j'adresse un salut fraternel au peuple français. Toute ma vie, j'ai lutté contre le colonialisme français, mais j'ai toujours aimé et admiré le peuple français. C'est un grand peuple, sensible et généreux, qui, le premier, a levé l'étendard des nobles principes de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est pour réaliser ces grands principes que le peuple vietnamien a lutté et luttera encore. Aujourd'hui, Une France nouvelle, une France qui condamne l'impérialisme et le colonialisme, nous tend la main. C'est pourquoi nous voulons collaborer sincèrement avec elle pour réaliser l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Le président du Conseil, Georges Bidault, affirme lui aussi avoir réussi à obtenir l'intégralité de ce que la France avait demandé en marge des négociations. Nous avons maintenu la présence française en Indochine. Et je veux le dire parce que c'est la vérité. Il y a 3 jours, le gouvernement du Siam qui nous attaquait naguère et qui avait, avec la complicité plus ou moins déclarée du gouvernement de Vichy, arraché au Cambodge et au Laos des provinces qui étaient authentiquement indochinoises, vient de les restituer. Ça ne se fait pas tout seul. Dans les semaines qui suivent la conférence de Fontainebleau, après de nombreux reports et aléas, l'Assemblée nationale valide un changement de constitution. L'Empire colonial français disparaît. Il est remplacé par l'Union française et les dom-toms. Point central de ce texte, l'abolition théorique de la condition d'indigène et l'obtention des mêmes droits pour l'ensemble des ressortissants habitant le territoire de l'Union française. En réalité, cette réforme est un trompe-l'œil pour gagner du temps. Toujours est-il qu'à Saïgon, face à une situation diplomatique qui stagne, l'amiral d'Argentlieu change de stratégie et lâche ses alliés éphémères de la jeune République de Cochinchine. À la place, le plus haut représentant de la France en Indochine mise sur la restauration de l'ex-empereur vietnamien Bao Dai pour renforcer son pouvoir sur tout le territoire. En parallèle, Argentlieu décide de reprendre en main le service des douanes et d'imposer un contrôle strict dans tout le nord de l'Indochine, notamment pour empêcher la contrebande et l'importation d'armes par les communistes du Viet Minh, pour qui il s'agit là d'une décision inadmissible autant qu'une provocation. Une de plus. Dans le nord du Tonkin, à Hanoï, la tension monte d'un cran entre la population et l'armée française. Les soldats du Viet Minh organisent des embuscades contre des convois militaires français. En réaction, les Français incendient des fermes soupçonnées de servir de cache d'armes. C'est le début d'une escalade dans la violence qui va se solder par le dramatique épisode d'Ai Phong. Mercredi 20 novembre 1946, golfe du Tonkin, nord de l'Indochine. En milieu de matinée, un navire militaire français arraisonne une chaloupe chinoise chargée de jerrycans de carburant. Il s'agit d'une cargaison clandestine à destination des hommes du Viet Minh. Les contrebandiers présents sur la petite embarcation refusent de se faire contrôler et tentent de s'échapper. À quelques centaines de mètres de là, sur les quais du port de Hai Phong, des coups de feu sont tirés et c'est la plus grande confusion, d'un côté comme de l'autre. Afin de trouver une issue à la crise, Ho Chi Minh propose à l'administration coloniale de réunir la commission mixte des douanes. Le général Valuy, qui remplace l'amiral d'Argentlieu alors en voyage à Paris, pense qu'il s'agit d'un coup fourré et décide d'exploiter l'incident de la chaloupe pour rétablir l'autorité française dans la zone. Dans une lettre envoyée au plus haut gradé de la flotte française dans le golfe du Tonkin, Valuy écrit « Vous avez toute latitude pour défendre le prestige de la France. » Le moment est venu de donner une dure leçon à ceux qui nous ont traîtreusement attaqués. Propos ouvertement belliqueux, la leçon en question interviendra 3 jours plus tard, lorsque les navires de guerre de la marine française bombarderont le port d'Hai Phong pendant toute une journée. Le bilan humain est terrible. On dénombre plus de 6000 morts, en très large majorité des civils vietnamiens. Présent sur place, à bord des navires, un jeune soldat du nom d'Henri Martin assiste à la scène. Et c'est cet épisode précis qui va l'amener par la suite à prendre position contre la guerre en Indochine. Avec le pilonnage d'Hai Phong fin novembre 1946, l'équilibre précaire du statu quo difficilement obtenu lors de la conférence de Fontainebleau vient cette fois de voler en éclats. En réaction, le Viet Minh entre dans la clandestinité et déclenche une vaste opération sur toute la région du Tonkin. à la tête d'une armée qui compte déjà plus de 60 000 hommes. Ho Chi Minh veut cette fois chasser l'ennemi français. Et il obtient rapidement une première victoire symbolique. Les hommes du Viet Minh, emmenés par le redoutable général Giap, reprennent la ville d'Hanoï. Dans la foulée, le 21 décembre 1946, Ho Chi Minh appelle l'ensemble de la population vietnamienne des régions de la Cochinchine, de l'Annam et du Tonkin à l'insurrection généralisée contre les Français pour obtenir l'indépendance pure et simple de leur pays. C'est le début de ce qu'on va appeler la guerre d'Indochine, un conflit qui va durer 8 ans. C'est le plus joli port dans le plus beau décor. Saigon, c'est l'escale d'amour où l'on vient quelques jours et l'on reste toujours. Car les garçons savent si bien murmurer je t'aime. Et les mousmés ont dans leurs yeux bridés des poèmes. Saigon, dans tes vertes maisons naît une floraison d'amour et de chansons. Ying, c'est un joli prénom chinois, c'est aussi pour moi. Ying, un beau souvenir parfumé, longtemps rêvé. Car dans un pousse-pousse, un soir d'été, je lui ai volé un doux baiser. Saigon, dans un grand soleil d'or, c'est le plus joli port dans le plus beau décor. Saigon, dans tes vertes maisons naît une floraison d'amour et de chansons. Car les garçons savent si bien murmurer je t'aime. Et les mousmés ont dans leurs yeux bridés des poèmes. Saigon, c'est l'escale d'amour où l'on vient quelques jours et l'on reste toujours. Ici Radio Saigon, la voix de la France en Extrême-Orient, émettant sur 16 mai 31, soit 18 393 kilocycles. Voici tout d'abord notre bulletin d'information. Hanoï. On apprend de sources officielles que les opérations de grande envergure déclenchées par les troupes françaises au Tonkin se sont déroulées jusqu'ici favorablement sur tous les axes. Les troupes françaises ont subi de très fermes pertes. D'autre part, selon des rumeurs non confirmées, un ministre vietnamien aurait été tué au cours de l'occupation de Bac Tan par les troupes françaises. Le général Salan, commandant des troupes françaises en Indochine du Nord, ainsi que son entourage, semble très satisfait et optimiste sur le développement des opérations. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. À l'automne 1947, la région du Tonkin, la partie la plus au nord de l'Indochine qui jouxte la frontière chinoise, est le théâtre d'une opération militaire inédite. Nom de code, Léa. Après des mois d'errements et de contradictions, Paris a décidé d'adopter de nouvelles stratégies sur le terrain. mettre la pression sur le Viet Minh et sur les territoires qu'il contrôle, en coupant ses filières de ravitaillement, en mettant la main sur ses caches d'armes et en détruisant ses camps d'entraînement. À la tête d'un contingent de plus de 5000 hommes, tous issus du corps expéditionnaire français, le général Raoul Salan reçoit l'ordre de nettoyer la zone. Après un mois d'âpres combats dans la jungle, malgré les moyens considérables engagés côté français, l'opération Léa se solde par un échec. Salan, soutenu par le général Valuy, l'homme du bombardement de Haïphong, tente d'édifier tout un réseau de fortifications pour garder le contrôle sur les routes qui mènent d'un bout à l'autre de la région. Mais face à un terrain qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas, les militaires français, dont une grande partie sont des goumiers marocains, des tirailleurs venus d'Algérie ou des colonies d'Afrique, ou encore des légionnaires, toute cette soldatesque est prise dans des embuscades du Viet Minh et doit reculer. En parallèle, la France joue une nouvelle fois la carte de l'empereur Bao Dai afin de diviser les rangs vietnamiens et d'exclure les communistes. Après une rencontre entre le nouveau commissaire en Indochine, Émile Bollaert, et Bao Dai, la France signe une déclaration dans laquelle elle reconnaît solennellement l'indépendance du Vietnam et le laisse libre de réaliser son unité. Dans la foulée, l'empereur forme un gouvernement provisoire, vietnamien donc, gouvernement dont sont bien sûr exclus Ho Chi Minh et le Viet Minh. Deux ans plus tard, au printemps de l'année 49, malgré la persistance d'échauffourées et d'actes de guérilla, la situation de l'Indochine semble connaître un début d'apaisement. En apparence seulement, car en coulisses, certains généraux français font part de leur inquiétude. Parmi eux, le général Revers. Envoyé en Indochine à la demande spéciale du ministre de la Défense, il revient avec un rapport accablant. La victoire militaire est impossible, tant l'ennemi maîtrise les subtilités de la langue, de la géographie et bénéficie de la part de la population d'un soutien sans faille, dit le général. Avant de conclure, il nous faut dès maintenant trouver la meilleure situation pour négocier. Car jusqu'ici simple guerre coloniale, l'Indochine bascule au début de l'année 50 dans un conflit moderne et devient partie intégrante de la guerre froide. Conscient de l'enjeu que représente un Vietnam libre, indépendant et surtout communiste, Moscou et Pékin reconnaissent l'existence de la République démocratique du Vietnam d'Ho Chi Minh. Et en secret, les Chinois financent, arment et forment les soldats du Viet Minh. Ces derniers sont désormais capables d'y rivaliser avec les troupes françaises et de les mettre en difficulté. Sur place, la situation se tend, effectivement, comme en témoigne le ministre de la Défense, Jules Moc. La situation, comme l'ont indiqué les dépêches récentes, a été bloquée presque instantanément au nord-est d'Hanoï. Par contre, au nord-ouest d'Hanoï, il semble que l'effort Viet Minh ait été beaucoup plus considérable, mais il faut noter cependant que, grâce aux réorganisations intervenues dans les dispositifs de troupes dans le nord-Vietnam, des groupes mobiles ont pu être portés presque instantanément avec de très gros appuis d'artillerie dans les secteurs les plus menacés et d'après les renseignements les plus récents que j'ai à ma disposition, il semble bien que nos troupes soient en mesure de contraindre la grande poussée Viet Minh qui effectivement, comme l'a indiqué le général Delattre hier soir, semblait bien avoir Hanoï pour but. La situation est d'autant plus critique pour les autorités françaises que la guerre coûte cher, trop cher. Année après année, les chiffres s'envolent. Et en 1950, la France engloutit près de 30% de son budget dans l'effort militaire en Indochine. Or, selon les prévisions du ministère de la Défense, il faudrait envoyer sur place trois fois plus de soldats. Pour de nombreux députés, cette dépense est en complet décalage avec la réalité française hexagonale où sévissent précarité, difficultés et hausse des prix à la consommation. D'ailleurs, lorsqu'on interroge les Français au sujet de l'Indochine, une majorité d'entre eux se déclarent indifférents à ce qui se passe là-bas, comme ils disent. Enfin, partout en métropole, le Parti communiste français lance de nombreuses campagnes pour dénoncer les exactions et la torture en Indochine. L'ancien soldat Henri Martin, celui-là même qui avait assisté au bombardement d'Haïphong, devient l'une des figures de proue du mouvement pour dénoncer un conflit inutile et barbare. seule bonne nouvelle pour les Français, dont l'armée est épuisée et le moral au plus bas, c'est l'entrée en lice des États-Unis à leur côté. En plus d'une aide logistique et tactique, les Américains vont au fil du temps apporter une majeure partie de l'effort de guerre. Mais ce n'est pas sans contrepartie, évidemment. Washington exige que Paris se désengage par la suite de toute la région, Vietnam, Laos et Cambodge. Les Américains veulent des États forts et indépendants afin de contrer l'influence communiste venue de Chine. Pourtant, malgré le soutien croissant des Américains, les troupes du corps expéditionnaire français continuent d'être harcelées et piégées par les opérations de guérilla des Viet Minh. C'est dans ce contexte que les Français vont connaître leur première défaite d'ampleur à l'été 1950. Région des Tonkin, route coloniale numéro 4, district de Chao Bang, 200 km au nord de Hanoï. Isolé sur le terrain, épuisé par les attaques du Viet Minh et uniquement ravitaillé par un pont aérien, les soldats français s'entêtent depuis plusieurs mois à conserver quelques positions stratégiques. Lorsque le haut commandement à Saïgon donne finalement l'ordre d'évacuer la zone, il est trop tard. Le repli des troupes françaises stationnées à Chao Bang se fait dans une pagaille totale. Plus de 5000 soldats se retrouvent piégés par les soldats du Viet Minh. Plus d'un millier d'entre eux sont blessés, des centaines d'autres vont mourir et autant seront faits prisonniers. Victime de cette débâcle, un jeune soldat racontera par la suite ses deux années passées en détention dans les jolis Viet Minh. On a d'abord été emmenés avec un groupe de camarades au camp numéro 3, près de Dong Phan. Au début, nous étions 2 à 300 et au bout de 15 jours, quand le camp était formé, pour ainsi dire, nous étions près de 500. Mm-hmm. Et on nous a commencé nos cours d'éducation politique. Oh, des cours d'éducation politique, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous a fait faire, donc? Ils nous faisaient faire des conférences par le directeur d'un soi-disant journal Viet Minh. Et ce soi-disant directeur nous parlait de ce qu'on faisait en Russie, par exemple, pour la femme, comment protéger l'ouvrier, et il abordait d'autres sujets aussi. Puis il fallait adresser des appels comme quoi nous avions changé d'avis, nous voulions que le corps expéditionnaire parte d'Indochine et que la guerre cesse en Indochine. C'est ahurissant. Alors l'univers concentrationnaire n'est pas mort. Erreur stratégique désastreuse, impasse politique criante. Dans les mois qui suivent la défaite de Chao Bang, l'Indochine est devenue aux yeux de beaucoup de Français un bourbier. C'est alors que le scandale de l'affaire des piastres éclate. Il éclabousse une partie de l'administration coloniale sur place. Le piastre, c'est l'unité monétaire de l'Indochine française. Son taux de change était fixé à 17 francs pour un piastre. Sauf qu'il était facile de s'en procurer pour moins de 10 francs sur les marchés asiatiques. Autrement dit, des piastres achetés à des cours locaux en Asie étaient ensuite échangés en France contre des francs aux tarifs subventionnés par l'État, et donc le contribuable, ce qui permettait d'empocher en moyenne plus de 70% de plus-value. On estime à plusieurs centaines le nombre de Français qui se sont ainsi enrichis. Comble du cynisme, on découvrira par la suite que même le Viet Minh profitait de ce système pour s'enrichir. En janvier 1953, seuls 21% des Français approuvent encore la guerre en Indochine. Face à la forte progression du Viet Minh dans les territoires du Nord, l'état-major s'entête. Le général Henri Navarre, nouveau commandant en chef du corps expéditionnaire français, décide d'établir un camp retranché à Dien Bien Phu à l'automne 1953. Une forteresse et sa garnison de 15 000 hommes sont installés entre les collines. Le fortin doit isoler le Viet Minh et l'empêcher d'aller se réapprovisionner au Laos. La victoire pour les Français est impérative. En prévision de la conférence de Berlin, tout d'abord, puis surtout de celle de Genève, où l'on doit statuer sur le sort de l'Indochine. Mais mieux organisés, plus déterminés qu'on ne le pensait, les 50 000 soldats du Viet Minh, conduits par le général Giap, lancent une série d'offensives sur le bastion français. Au terme de 2 mois d'intenses combats, le Viet Minh s'empare de la forteresse de Dien Bien Phu ou Dien Bien Phu. Plus qu'une défaite militaire, la France est humiliée et elle est désormais contrainte de négocier la paix. Le 21 juillet 1954 à Genève, devant les représentants de 19 pays, se tient une conférence exceptionnelle. sous la pression constante des Américains, Pierre Mendès France s'engage à quitter l'Indochine. Le Vietnam, lui, se retrouve coupé en deux. Le Nord passe sous contrôle communiste avec son nouveau leader, Ho Chi Minh, et au sud du 17e parallèle, une dictature nationaliste soutenue par Washington s'installe. L'indépendance du Laos et du Cambodge, déjà proclamée en 1953, est elle aussi définitivement reconnue. Aussitôt, la France perd une partie importante de son prestige colonial. Et cet épisode ne fait que renforcer les mouvements indépendantistes qui agitent déjà les autres possessions françaises, cette fois en Afrique. Qui ne veut rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parle d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, premier épisode de notre série consacrée à la fin de l'Empire colonial français et au mouvement de décolonisation. Aujourd'hui, quand l'Asie du Sud s'émancipe, nous en parlons avec notre invité, l'historien Pascal Blanchard. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'histoire de l'Empire colonial français, vous êtes avec vos confrères Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, l'auteur d'un livre de synthèse sur ce sujet intitulé « Décolonisation française, la chute d'un empire », paru aux éditions La Martinière en janvier dernier. C'est un beau livre, il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup à voir, parce qu'il y a des illustrations, et on entre dans l'ambiance justement de cette époque-là. Alors l'Indochine marque le premier épisode des guerres de décolonisation. On a l'impression que dès 1945, la France du général de Gaulle ne prend pas conscience du péril qui la guette sur place, en Extrême-Orient. Je me trompe ? C'est à la fois vrai et faux. Je me trompe un peu, là. Que le gouvernement français de l'époque, mais je pense tous les partis politiques, que ce qui va se passer potentiellement en Indochine pourrait être un troisième coup de ce qui vient de se passer en Syrie et au Liban, avec la perte des mandats, et avec les événements en Algérie dans le Constantinois. Donc ils ont quand même cette inquiétude. Ils sentent bien le vent qui commence à se lever des indépendances, et pas simplement dans l'Empire colonial français, en Inde et ailleurs. Ils ont ce ressentiment que s'ils n'agissent pas vite, c'est ce qu'ils vont faire, il pourrait y avoir en Indochine une suite d'événements comme il vient d'en avoir en Syrie, Liban et en Algérie. Donc il y a quand même cette idée que si on ne fait rien, on peut perdre le jeu, et notamment parce que les Anglais sont sur place, et rappelez-vous les Chinois qui se partagent à ce moment-là l'Indochine, après le départ des Japonais. Donc il y a cette peur aussi que l'ennemi anglais vienne occuper un espace, voire déjà les États-Unis. Donc les Français sont quand même hyper sensibilisés. Et en même temps, ils sont persuadés d'eux-mêmes qu'en envoyant des forces militaires, ils arriveront à reprendre la main. Et c'est pour ça qu'ils se lancent immédiatement dans la stratégie de l'opposition frontale au Viet Minh et à Ho Chi Minh, ce qui s'est avéré une erreur. Exactement, parce que à l'époque, ils ont à la fois... Ah ! À cette époque, ils ont à la fois quelque chose qu'on n'entend pas parce que la ligne a été coupée. On va retrouver notre invité, j'imagine. Pascal Blanchard, vous m'entendez? Oui. Bon, alors, vous étiez resté au milieu d'une phrase. Oui, je vous entends. Continuez, je vous en prie. Voilà, ils sont persuadés à l'époque surtout que le Viet Minh est incapable de constituer une force militaire à la hauteur de la force militaire française. Oui. Ils font une erreur stratégique. Ils font une erreur même presque d'ordre militaire. Ils sont persuadés qu'ils vont avoir affaire à des maquisards, à une rébellion, et non pas à une armée qui va s'organiser et qui va trouver des soutiens, notamment dans le bloc communiste. Donc, ils font un très mauvais calcul dès le départ en pensant qu'ils vont mater très très vite, comme dans le Constantinois, cette opposition. Alors, ce n'est pas à l'historien de dire ce qu'il aurait fallu faire, bien sûr. Mais quand même, quelles autres méthodes les Français auraient pu mettre en place pour s'en sortir un peu mieux? Bon, la négociation, évidemment, mais on a vu que c'était compliqué. L'affrontement militaire, l'opposition frontale, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a entre deux? Les Français, en tout cas, n'ont jamais choisi ailleurs, dans leur empire colonial, la négociation. À Madagascar, deux ans plus tard, en 47-48, ils vont réprimer. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, au Cameroun, ils vont déclencher des conflits. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, ils vont répondre par la force. C'est la méthode des Français. D'un côté, le discours sur la réforme, l'Union française, des investissements, et de l'autre côté, la répression dès qu'il y a une opposition militaire ou indépendantiste fort. Ils n'ont jamais cherché une autre solution. Mandès est un des rares, dès 1950, à recommander de négocier. Il le fera d'ailleurs aussi à Carthage, rappelez-vous, avec son discours en Tunisie. Il est un des rares hommes politiques de l'époque à penser que la France ne peut pas tenir dans une telle configuration. D'abord au nom de ses principes, mais aussi en termes militaires et enfin en termes financiers. Il est parfaitement conscient que la machine de guerre demande beaucoup trop aux Français qui sont, je vous le rappelle, à peine en train de sortir de la guerre. Nous sommes encore dans des périodes de rationnement. Les Français ont d'autres préoccupations que de consacrer 30, voire 40, voire 50% des budgets à l'intégralité de l'Empire. Pourrait-on dire aussi que ce sont les errements, les changements et l'instabilité de la 4e République qui n'ont pas permis d'établir une ligne claire par rapport à la politique à conduire en Indochine? Ou alors est-ce que c'est une énième critique du régime parlementaire qu'on est souvent tenté d'accuser de tous les maux d'ailleurs? Alors, si les régimes parlementaires ont la faconde et l'habitude de changer extrêmement vite sous la 4e République, ce qui ne facilite pas la continuité d'une politique unique, en même temps, à peu près tous les partis politiques de l'époque, sauf le Parti communiste, ont la même ligne sur l'Indochine. Par contre, ce qui est impressionnant à voir en Indochine, c'est le changement des hommes sur place. Mmh. Parce que chacun a voulu jouer sa propre carte, que ce soit Navarre au final, que ce soit D'Argentlieu ou Delattre de Tassigny. D'Argentlieu se prenait pour le vice-roi de la Nam, ou du Cochinchine ou du Vietnam. Il était le nouveau Lyautey des temps modernes. La preuve, il va à l'encontre du gouvernement français déclarer cette pseudo-indépendance de la Cochinchine. Delattre, pareil, le roi Jean, comme on l'appelait, arrive comme un seigneur de guerre qui va rétablir l'ordre. Et Navarre, au final, a une vision, mais alors complètement hallucinante, de potentiels alliés américains qui vont lui permettre d'emporter la partie telle une partie d'échecs. Il y a à la fois cette instabilité politique à Paris et ce jeu des hommes, les sauveurs à chaque fois de l'Indochine, qui se succèdent les uns après les autres et qui vont à chaque fois arriver dans des impasses politiques en Indochine. Pascal Blanchard, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté la grande Sophie qui nous chante « Hanoï ». Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi. Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. Tes typhons pleurent, tes roues meurent. La pluie dégringole. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Ton cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. toi. Hanaï, Hanaï, tu me fais voir ton sourire, ta vie dehors, tes couleurs aussi. Sous la jungle électrique, je perds mon chemin. Hanaï, Hanaï, je t'appartiens. Sur l'eau verte, tes marionnettes dansent une autre vie. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Regarde si je t'aperçois. Hanaï, Hanaï, si loin de moi. Le velours, la fleur de lune, et moi à Paris. Hanaï, Hanaï. Pascal Blanchard, que dire au sujet de l'Union française qui devait en 1946 remplacer l'Empire colonial? Sur quelle base reposait cette union? Est-ce que c'est un véritable changement ou un simple artifice pour conserver la mainmise sur des parties du monde? Les deux. Parce que d'une certaine manière, c'est l'héritage de la conférence de Brazzaville qui s'adresse d'abord à des hauts fonctionnaires coloniaux qui parlent de réforme, mais pas de réforme politique, mais de réforme administrative et d'investissement. Donc il y a quand même une volonté de trouver un nouveau lien avec les territoires coloniaux, de s'adapter au temps moderne, post-Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, ça change pas beaucoup les pratiques au quotidien, même s'il y a eu quelques réformes majeures. Notamment, n'oublions pas qu'une partie de l'Empire a connu la départementalisation, les vieilles colonies, ce qui est quand même une vraie rupture qui crée une forme de potentialité pour les autres territoires. Mais sur le fond, à part les investissements qui vont devenir massifs à partir de 46, 47, 48 et qui vont accompagner la politique de répression, c'est d'abord un replâtrage institutionnel qui a très peu d'impact, et notamment en Indochine, pratiquement aucun. C'est d'abord une sorte de discours officiel, beaucoup plus qu'un changement de pratique dans les territoires. Alors, bien sûr, il y a une spécificité pour ce conflit et pour d'autres, c'est qu'il se déroule au cœur de la guerre froide. Nous sommes dans les années 50, donc c'est vraiment des années de guerre froide. Et la dimension, je pense, de ce conflit est inséparable de la guerre froide. Tout à fait. Surtout que, regardez, la concomitance des temps est très intéressante. On sait que ce basculement va se faire en 5 ans dans le conflit indo-chinois. C'est juste au lendemain où la Chine communiste émerge et où Mao l'emporte. 49, ouais. Mmh. Exactement, qui va pouvoir amener toute son aide au potentiel de guerre du Viet Minh. C'est en même temps le début de la guerre de Corée, 1950. Et d'un seul coup, c'est le deuxième front de la guerre froide en Asie, ce conflit indo-chinois. Ce qui va aussi induire et expliquer pourquoi les Américains vont financièrement rentrer de manière massive dans le conflit. Ce qui est toujours oublié dans l'historiographie officielle et très franco-française du conflit, c'est que le conflit, pratiquement au moment de Dien Bien Phu, est financé à 80% par les Américains. Mais oui, on l'a dit d'ailleurs. Ça change énormément de paramètres. Les Français sont certes maîtres du terrain en termes de la diplomatie et du choix politique, mais en termes militaires, ils sont devenus totalement dépendants à partir de 1950 et année après année de l'aide américaine. Sinon, ils auraient été strictement incapables d'arriver à maintenir encore pendant 4 ans après le grand tournant de 1950, vous en avez parlé très très bien tout à l'heure, qui fait un basculement dans le conflit, où là on commence à douter, vous l'avez très bien dit aussi, les militaires français commencent à douter d'une victoire militaire possible. On commence à rentrer dans une solution diplomatique dont les Américains seraient un des éléments aussi de partie prenante. Mais c'est déjà, on l'a vite compris, la mise en place, en fin de compte, du magistère américain sur le Vietnam. C'est ça. Qui commence à partir de ce moment-là, qui va jouer son propre jeu. Voilà. Alors, expliquez-nous en quelques lignes, si vous voulez, donc le déroulé des événements à partir de l'affaire indo-chinoise française et la guerre du Vietnam avec les Américains. Il y a un lien, évidemment. Quel est le lien, quel est le point de bascule? Le point de bascule, c'est en fin de compte que les Américains décident de ne pas aider les Français au moment de devenir fous. Les Français croient, les militaires français, il y a même une tournée à ce moment-là de généraux et d'officiels aux États-Unis, que l'aviation américaine, notamment, va aider les Français dans le bourbier de Mianfu, va accompagner l'effort de guerre français. Et en fait, les Américains ne vont pas bouger pour deux raisons essentielles. Ils veulent éviter un conflit avec les Chinois. Je vous rappelle qu'ils viennent de le vivre en Corée. Et ce n'est pas un petit traumatisme pour l'armée américaine. Et deuxièmement, parce que les Américains veulent jouer leur propre jeu, avoir un Sud qu'ils vont maîtriser face à un Nord-Vietnam qui serait laissé aux Vietnamiens. Typiquement une situation de la guerre froide. Ce que d'ailleurs va indirectement entériner Mendès France avec sa paix des 100 jours qu'il va obtenir, avec la coupure et la césure d'un Vietnam Nord, d'un Vietnam Sud. Et le Vietnam Sud va basculer immédiatement dans le camp, dans le protectorat américain. Ce qui prépare, d'une certaine manière, la future guerre du Vietnam, un Nord et un Sud, qui là encore, dans la continuité de la guerre froide, vont s'affronter dans la très longue guerre du Vietnam dans les années 60-70. Est-ce que à cette époque-là, est-ce que la France prend conscience qu'elle est une belle puissance, mais elle n'est pas une grande puissance? Je ne sais pas si les hommes politiques français restent dans une chimère sur l'Empire. Ils sont persuadés que la France ne peut pas exister à cette époque-là sans leur domaine colonial. Ou du moins, électoralement, c'est impossible à dire, à part pour quelques-uns. Les Français eux-mêmes, très vite, on le voit bien, vous avez donné quelques chiffres, se désintéressent progressivement de ce conflit lointain. Non pas parce qu'ils se désintéressent de l'Indochine, mais ils se désintéressent des efforts à faire pour garder l'Indochine. Et ça, c'est très révélateur d'un basculement entre 1945 et en gros 1954. Les Français regardent à un moment ce conflit qui commence à coûter cher en hommes, et ce sera encore plus vrai avec la guerre d'Algérie, avec les appelés et les réappelés. On veut garder l'Empire, mais on n'est pas prêt à se sacrifier pour garder l'Empire. Et c'est ça aussi la leçon que nous apprend l'Indochine, et apprend aux Français, c'est qu'en fait la question coloniale commence à devenir moins dominante dans l'opinion, qui a d'autres préoccupations. Rappelez-vous l'hiver rigoureux, l'abbé Pierre, les situations économiques difficiles, la reconstruction. Enfin, ce sont des questions du quotidien d'une certaine manière. Tant que les colonies coûtaient rien et rapportaient du riz, des bananes et des produits et faisaient fantasmer lors des expositions coloniales ou dans les chansons que vous avez passées, ça va. Quand ça commence à prendre les enfants de France, le portefeuille et d'une certaine manière les priorités, ce n'est plus le même sujet. Toute dernière chose, il ne nous reste que 45 secondes. Pierre Mendès France est auréolé, c'est un homme qui a une aura, le souvenir de Mendès France, est entouré d'une aura, et pourquoi pas, à juste titre apparemment. Mais là quand même c'est une défaite pour lui. On dit 54, il a mis fin à la guerre de l'Indochine. Non, c'est une sorte de capitulation quand même. Oui et non, c'est une capitulation, mais il arrive à la trouver derrière. Il le dit en arrivant au pouvoir en tant que président du Conseil, je me donne 100 jours pour trouver la paix. Et il la trouve. Il trouve une solution, n'oublions pas qu'il y a 250 000 hommes à évacuer. Ça prendra 2 années. Dans la foulée, il perdra les comptoirs des Indes, obligé face à l'armée indienne de négocier. Mais il ouvre une porte avec ça. Avec le discours de Carthage qu'il va faire en Tunisie, il ouvre une porte pour rentrer sur une voie de négociation, notamment au Maghreb. Ce qui ne sera pas possible avec la perte du président du Conseil. Il sera remplacé. Mais je pense que Mendès France est un des rares à l'époque qui se rend bien compte de l'impasse qu'est la totale révolte en permanence qu'il y a dans l'Empire et face à ça, une répression constante. La France n'en a ni les moyens, mais je dirais même pas la valeur morale. C'est anachronique avec la République. Et Mendès France est un des rares à le penser. Merci infiniment Pascal Blanchard pour tous ces éclairages et la façon dont vous les donnez avec des réponses synthétiques. C'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous en tout cas. Très bonne journée. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui de la décolonisation en Asie du Sud-Est, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Rémi Sistiaga qui était à la technique aujourd'hui.